bien sûr. Je le savais. Eureka. Eureka! On l'a comparée au début du XXe siècle à une fée. Elle éclairait souvent, soudain le monde et inaugurait une ère d'innovation sans précédent. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de la fée électricité. De l'industrie aux télécommunications, en passant par les transports et notre vie quotidienne, la liste des bouleversements qu'elle a provoqués serait trop longue à établir. Mais pour parvenir à la produire, la transporter et la transformer, il a d'abord fallu en comprendre le fonctionnement. Et c'est grâce à tout un équipage de savants, d'expérimentateurs et d'industriels que cette aventure électrique a pu s'écrire. Électricité, une histoire à contre-courant, c'est le récit sous haute tension que nous vous proposons pour l'heure qui vient. Bienvenue dans Eureka. Et pour parler de cette histoire de l'électricité, nous sommes en ligne aujourd'hui avec Alain Beltrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS et président du comité d'histoire de l'électricité et de l'énergie. Nous sommes également en ligne avec Bertrand Wolf. Bonjour. Oui, bonjour. Vous avez été enseignant de physique-chimie, vous êtes co-auteur sur le site internet ampere.cnrs.fr et vous êtes spécialiste de l'histoire de l'électricité. On va commencer ce récit de la longue histoire de l'électricité, peut-être en présentant le personnage principal de notre émission, Alain Beltrand, l'électricité, et on va peut-être expliquer d'où nous vient ce nom. Alors ce nom nous vient de très très loin, nous vient de l'Antiquité. Je pense que tout le monde se souvient de Thalès de Milet, qui est un savant grec d'environ 600 avant Jésus-Christ. On le connaît pour ses théorèmes, bien sûr. Mais il avait observé qu'en frottant de l'ambre, l'ambre pouvait attirer des petits objets, des petits morceaux de paille, etc., de bois. Et donc, cette attraction était assez curieuse. Alors bon, peu importe les théories de l'époque, et toujours est-il que ambre en grec se dit électron, et que sans aller trop loin, on doit beaucoup à la science antique, mais du côté de l'électricité, l'apport va s'arrêter là à peu près, à ce nom d'électron qui aura plus tard de différentes formes d'électricité, électrique, etc. Et dans toutes les langues, on retrouvera la même racine. On avait observé donc cette curiosité, cette électricité statique, sans encore bien évidemment l'identifier ou la nommer. Il y avait sans doute un autre phénomène qu'on connaît, qui est connu depuis que l'humanité est née et a dû l'identifier rapidement. Bertrand Wolf, c'est le phénomène de la foudre. Qu'est-ce qu'on en pensait alors ? Oui, alors le phénomène de la foudre n'est pas du tout à l'époque grecque. Même si les Grecs s'y intéressaient beaucoup, hein, c'était la colère de Zeus, n'était pas du tout considéré comme un phénomène électrique. Hein. Il aura fallu attendre le milieu du XVIIIe siècle pour qu'elle puisse être considérée comme un phénomène électrique. Puis je voulais aussi revenir tout de même sur cette idée de l'électron, hein, de l'ambre frottée et de l'intérêt que ça suscite pour Thalès, parce que ça a conduit très souvent à ce qu'on écrive que l'électricité, ben, elle est née dans l'Antiquité grecque. Ce qui est faux, hein. C'est une science récente qu'on peut pas faire remonter à l'Antiquité grecque, parce que c'était un phénomène tout à fait isolé, particulier, et pour moi, l'électricité, comme science, si on peut dire, elle naît en même temps que le mot électrique, hein, qui est forgé par William Gilbert en 1600, et parce que il découvre que d'autres objets frottés peuvent avoir temporairement cette propriété d'attirer de petits objets légers. Alors, comme c'est une propriété qu'a, sans avoir besoin d'être frotté, la perte de pierre de magnésie, hein, c'est-à-dire la pierre d'aimant, qu'on utilisait déjà pour les boussoles. Comment ? Oui, tout à fait. Ce qui fait que le magnétisme, contrairement à l'électricité, n'est pas une science récente. Hein. Les boussoles, ça commence très tôt. Et c'est justement parce qu'il étudie beaucoup les propriétés de la boussole que Gilbert est amené à distinguer justement les attractions qu'il va nommer électriques. Hein. Il appelle électrique tous les corps qui ont la même propriété que l'ambre frotté, des résines, certaines pierres précieuses, etc. quoi. Hein. Et pour lui, il le distingue, mais avec l'idée que c'est le magnétisme qui est de loin beaucoup plus intéressant. Les actions électriques, elles sont timides, elles sont difficiles à exciter, elles disparaissent rapidement, et ça c'est tout à fait l'opposé de ce qu'on appelle la vertu magnétique. Et Gilbert en particulier est celui qui montre que la Terre elle-même est un gigantesque aimant et que c'est elle et non pas le ciel qui oriente la boussole. Et vraiment, tout au long du XVIIe siècle, ben, l'électricité, ça sera cette propriété extrêmement peu souvent, qui se manifeste extrêmement peu souvent, hein, d'attirer à distance de petits objets légers. Et c'est vraiment une propriété qui semble tout à fait marginale c'est pas une propriété générale de la matière, hein, on en parlera peut-être tout à l'heure, il faudra attendre Gray. Bien sûr, on va y arriver. Je m'arrête là-dessus. Donc. Alain Beltran, Bertrand Wolff le disait à l'instant, c'est de Gilbert que vient la notion de force électrique, et à sa suite, c'est tout un tas de savants qui commencent à prendre le relais avec des machines à frottement. On peut peut-être mentionner, par exemple, un certain Otto de Guericke. Qu'est-ce que lui a mis en place comme processus expérimental? Ben, il a mis en place un processus qui a eu un certain succès. C'était une boule de soufre qui était frottée. Et on constatait qu'elle attirait différents éléments, mais quand ces éléments avaient touché la boule, ça repoussait les mêmes éléments. Donc on voit là à la fois ce petit éclair qui changeait l'attraction en répulsion, et donc des premières réflexions sur la nature comme très complexe de cette électricité, qui soit dit entre nous, qu'on ne voit pas, que l'on se rend compte de l'électricité par ses usages, par ses conséquences, mais on ne la voit pas. Donc, il y aura toujours dans l'électricité cet aspect un peu mystérieux. Vous avez parlé tout à fait dans votre introduction, très justement, de fée électricité. Mais la fée, bien sûr, c'est celle qui peut tout faire. Mais c'est celle aussi qui a des pouvoirs assez mystérieux. On ne sait pas très très bien d'où ça vient. C'est un petit peu surnaturel. Et donc, cette impression sans doute de nos jours et c'est affaibli, mais pendant très longtemps l'électricité assura ce côté mystérieux, extraordinaire, d'une force de la nature qui reste à découvrir. Et qui reste un petit peu magique. Bertrand Wolff, une réaction à ce que disait à l'instant Alain Beltran. Oui, parce que j'aurais une petite réserve, parce que on considère effectivement souvent la machine de Guericke, son globe de soufre frotté, comme la première machine électrostatique. Or, en fait, Guericke considère effectivement que l'attraction de petits objets par sa boule frottée est de nature électrique, mais pour le reste, les phénomènes, c'est nous qui projetons après coup, ou les électriciens du XVIIIe siècle, qui projettent après coup sur les petites lueurs qui apparaissent, sur les phénomènes de répulsion, sur le fait qu'un petit objet va accompagner la boule de soufre dans sa rotation. Il n'attribue pas du tout cela à l'électricité. Pour lui, ce ne sont pas encore des propriétés électriques. Il pense en fait avoir construit une sorte de modèle réduit de la Terre et de toutes les propriétés de la Terre. Alors, c'est vraiment au XVIIIe siècle qui, mon avis, va être le grand siècle de l'électrostatique, où on attribue, où des choses qui, pour l'instant, jusque-là n'étaient pas attribuées à l'électricité, lueurs, étincelles, secousses, etc., vont devenir des propriétés électriques. Mais il me semble que pour Otto von Guericke, c'était pas du tout considéré comme cela. Et justement, arrivons-en à ce XVIIIe siècle, Bertrand Wolff, avec un tournant qui est initié par un certain Stephen Gray, que vous mentionniez tout à l'heure. Alors, qui était-il et quelle expérience est-ce qu'il a mis en place dans cette longue chaîne des découvertes autour de l'électricité? Oui, alors la personnalité de Gray est intéressante. C'était un artisan teinturier, hein, un amateur de science, mais on était à une époque où commençaient à naître les sociétés savantes et il y avait donc des amateurs de science qui pouvaient aller très loin comme lui. Et la chose importante qu'il découvre au tournant des années 1730, c'est ce qu'on appelait dans les termes de l'époque la communication de la vertu électrique. C'est-à-dire qu'il s'aperçoit que, au fil d'une série d'expériences, que quand il a électrisé par frottement un long tube de verre bien séché, si un bouchon de ce tube est associé à une très longue corde, il a été jusqu'à, je crois, 250 mètres même, eh bien, à l'autre bout, cette corde que nous savons maintenant être conductrice, va attirer des petits objets légers. C'est-à-dire que la vertu électrique aura été communiquée. Ceci à condition que la corde humide, mettons, ait été suspendue à des fils qu'on appellera plus tard des isolants. Sinon, évidemment, la vertu électrique se perd. Ça ne nous paraît pas extraordinaire, cette distinction entre conducteur et isolant, mais en fait, avec cela, l'électricité devient une propriété générale de la matière. Tout objet matériel, il est soit conducteur, soit isolant. Bon, les termes conducteur et isolant ne sont pas encore présents. Mais c'est l'idée, quoi, voilà. Alain Beltran, est-ce qu'on peut dire qu'à partir de ces expériences un petit peu folkloriques, il faut bien le dire, de Stephen Gray, la science électrique démarre véritablement? Alors, on peut dire qu'elle démarre, en effet, avec des imprécisions, avec des problèmes de vocabulaire, avec des connaissances encore très partielles. C'est une découverte progressive. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle va séduire. Et on est dans la période de la physique amusante, des cabinets savants. Et donc, que ce soit les aristocrates, que ce soit les abbés de cour, etc., il va y avoir tout un engouement pour l'électricité. On va trouver des personnages très différents. Franklin, bien sûr, Marat s'est intéressé à l'électricité. Enfin bon, on pourrait même citer Robespierre indirectement. Donc elle fascine, elle est mystérieuse, on commence à comprendre un certain nombre de petites choses, mais on est encore très très très loin de ce qu'on pourrait appeler une science bien établie, avec des livres qui permettraient de la comprendre merveilleusement. Mais elle intrigue, et ça c'est un phénomène qui va rester pour très longtemps. Bertrand Wolff, également au XVIIIe siècle, en France, on postule qu'il y a deux types d'électricité. On parle alors d'électricité vitrée et d'électricité résineuse. Qu'est-ce que ça veut dire, ces mots un petit peu mystérieux? Oui, alors ça, c'est une découverte que fait Dufay, au début des années... Enfin, on peut dater son premier mémoire. 1733, oui, voilà. Il se trouve que on avait déjà constaté qu'il n'y avait pas seulement des phénomènes d'attraction, mais quelquefois de répulsion, mais que la plupart interprétaient comme des sortes de rebonds, où c'était l'environnement qui attirait. Or, lui, une expérience tout à fait fondamentale qu'il fait, lui montre que... un objet léger auquel a été communiqué de l'électricité, par exemple par contact avec du verre frotté, mais il va être repoussé par le verre, mais en revanche attiré par de la résine frottée. Et il arrive donc à l'idée qu'il y a deux sortes d'électricité, effectivement vitreuse et résineuse. Alors qu'on associe assez rapidement, enfin un peu trop rapidement justement... A posteriori, à nouveau avec une lecture, oui. Avec les plus et les moins de Franklin. Or, le contexte n'est pas du tout le même. La vision qu'a Dufay des phénomènes électriques, c'est une vision en termes d'atmosphère, de tourbillon. Enfin, je simplifie un petit peu. Et c'est au point, d'ailleurs, que les encyclopédistes français, Le Monnier, par exemple, dans l'article électricité de l'encyclopédie, réfute la thèse de Dufay avec des arguments, en plus, qui sont pas idiots compte tenu du contexte expérimental de l'époque. Et quand Franklin parlera, en en donnant des preuves expérimentales assez extraordinaires, parlera en 1750 des électricités en plus et en moins, c'est-à-dire quand on frotte un corps, il y en a un qui enlève l'électricité à l'équilibre normal qu'il y a dans un corps, et l'autre qui, au contraire, en reçoit. Oh, attendez, j'ai un problème avec mon téléphone. Eh ben, écoutez, on va y venir justement à Benjamin Franklin. Je vous laisse régler ce problème de téléphone et on y vient dans un instant. Jour. Nuit. France Culture. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Eureka. Monsieur Lacoule. Je vous en prie, allons, ça devient casse-pied. Antoine Beauchamp. On poursuit cette histoire de l'électricité au XVIIIe siècle, Alain Beltran, avec une expérience qui est assez fondatrice, elles le sont toutes, mais celle-ci particulièrement, celle dite de la bouteille de Leyde. En quoi a consisté cette expérience? On peut peut-être la décrire, même si c'est pas évident, qu'on n'a pas l'image. Et qu'est-ce qu'elle a permis de démontrer? C'est-à-dire que pour faire simple, On pourrait dire que la bouteille de l'Aide. Alors là aussi, bien sûr, nous employons des mots actuels, des concepts actuels sur des expériences du passé. Mais on a le droit aussi d'être vulgarisateur et d'essayer de se faire comprendre. On pourrait dire que c'est une espèce de condensateur. La bouteille de l'Aide, par tout un système de frottement, permet d'accumuler de l'énergie. Ça permet aussi une forte décharge avec une étincelle. Donc ça a un côté... pour le moment, dont l'utilité est peut-être pas apparente, mais qui est en tout cas à la source d'expériences importantes, d'expériences amusantes, d'expériences impressionnantes, comme par exemple le fait de pouvoir électriser toute une chaîne humaine, puisque le corps humain, hélas, est conducteur. Donc ce sont des expériences importantes, qui montre une progression, je veux dire, c'est pas un front pionnier, c'est pas un front uni, mais on voit des percées sur la nature extrêmement complexe, extrêmement attractive de cette électricité. Oui, et Alain Beltran, il reste mystérieuse. Cette expérience, Alain Beltran, donc de la bouteille de l'Aide, elle intrigue l'un des très nombreux grands noms de l'histoire de l'électricité, c'est un certain Benjamin Franklin. Alors, quelle découverte, lui, va réaliser autour de l'électricité? Alors, Franklin a fait, on en a parlé là sur les plus et les moins, sans doute d'un point de vue universel, Benjamin Franklin reste l'homme qui s'est intéressé à la foudre, qui a bien montré que l'analogie entre la foudre et l'électricité, mais surtout aussi le moyen de protéger les bâtiments contre la foudre. Oui, avec une expérience qui est restée légendaire. Voilà. D'ailleurs, les savants de l'époque prenaient des risques sans doute inconsidérés. Il y avait des cerfs-volants électriques, il y a eu des morts, parce que évidemment, on jouait avec des énergies tout à fait extraordinaires. Mais en tout cas, ça peut paraître comme ça un peu anecdotique, se dire tiens, la foudre, mais il faut imaginer quand même que la foudre tuait beaucoup à l'époque, et que protéger des bâtiments qui étaient souvent en bois, qui étaient donc facilement incendiés, eh bien, c'est quelque chose d'important. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que Franklin, c'est à la fois un très grand savant et c'est un des pères de l'indépendance américaine, et on allait dire un des pères de la démocratie. Et donc, les deux ont été un petit peu, vous voyez, dans une image prométhéenne. Prométhée a donné le feu aux hommes, et Franklin a donné à la fois le feu et a donné la liberté. Donc c'est un personnage tout à fait intéressant et un personnage extrêmement célèbre à l'époque. Et ceci dit, quand il a fallu installer des... Alors, c'est une chose curieuse, on devrait appeler ça des parafoudres, on appelle ça des paratonnerres, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais il y a eu des nobles, il y a eu des esprits très éclairés, bon, il faut citer Buffon, pour essayer. Et donc, je faisais allusion tout à l'heure à Robespierre. Il y a un noble d'Arras qui avait mis un paratonnerre sur un bâtiment. Il y a eu un procès et Maximilien de Robespierre a défendu ce noble. Donc, on voit aussi qu'il y a une certaine idée d'une électricité pour tous, d'une électricité qui va renverser l'ordre ancien. Et il y a des caricatures à l'époque de la Révolution. Alors évidemment, c'est pas très radiophonique, mais enfin, vous avez un révolutionnaire qui a une machine à influence qui tourne, et il foudroie tous les rois, les despotes, les tyrans possibles. Bertrand Wolff, sur cette figure de Benjamin Franklin, qui était physicien, rappelons-le, qu'est-ce qu'il établit d'un point de vue physique sur l'électricité ? Eh ben déjà, il y a cette question de ce qu'on pourrait appeler l'algébrisation de l'électricité, et puis le paratonnerre est un des aspects d'une de ces découvertes très importantes, qui est ce qu'on peut appeler l'effet des pointes. Une pointe conductrice peut aussi bien soutirer l'électricité d'un corps fortement chargé, c'est le cas du nuage d'orage, mais elle peut aussi émettre ce qu'on appelait à l'époque le vent électrique. Et puis, c'est quand même avec son idée d'électricité en plus et en moins, avec l'attraction entre les électricités de signes contraires, qu'il ébauche une théorie, une explication De la bouteille de LED, parce que cette bouteille de LED, c'était une énigme absolue pour l'époque. Comment est-ce qu'elle pouvait condenser de l'électricité ? Alors, il n'y arrive pas tout à fait, parce qu'il est au bord de l'idée de l'action à distance, c'est-à-dire que les moins de l'armature qui est d'un côté de la bouteille sont attirés par les plus qui sont de l'autre, donc plus l'isolant qui les sépare est fin, et bien plus cet effet va être important, et on va pouvoir condenser, comme on disait, beaucoup d'électricité dans un petit volume. Mais il est au bord de ça, mais il n'a pas vraiment l'idée de l'action à distance. Il n'est pas complètement débarrassé de l'idée d'atmosphère électrique. Il faut dire qu'on est à une époque où, dans d'autres domaines de la physique, l'idée de l'action à distance s'est imposée, hein, avec la physique newtonienne et la gravitation. Mais les phénomènes électriques, ils sont très souvent liés au fait qu'on sent un vent électrique, qu'on sent l'odeur qui est dégagée, qui est des étincelles. Donc, vraiment, il est très difficile de se débarrasser d'une idée d'action par... par des effluves, enfin la fameuse théorie de la Bénolé, qui croyait avoir un système théorique complet. Donc il faudra vraiment quelqu'un comme Épinus pour mathématiser ce qui était l'intuition, si on veut dire, de Franklin, et théoriser vraiment l'action à distance. Oui, parce que pour l'instant, en fait, on s'interroge encore essentiellement à la qualité de l'électricité, mais on a encore du mal à la quantifier. On s'interroge essentiellement sur la nature, la matière de l'électricité. Je rappelle qu'on n'a toujours pas fait de lien entre les phénomènes magnétiques et les phénomènes électriques. Donc, on arrive au XVIIIe siècle à poser les jalons de cette quantification de l'électricité. Il y a un terme qui apparaît, toujours au XVIIIe siècle, celui de potentiel. Alors, Alain Beltran, qu'est-ce qui recouvre ce mot et qui parvient à le mettre en évidence ? Je pense que s'il y a un savant, un homme aussi très très original qui est intéressant, c'est Cavendish. Cavendish, il y a déjà une particularité, c'est que une grande partie de ce qu'il avait écrit n'a été publiée que très longtemps après sa mort, et en particulier par aussi un homme important dans notre saga électrique qui s'appelle Maxwell. Et donc, c'est en effet lui qui s'intéresse aux questions d'électrisation superficielle des conducteurs et aussi à tout ce qu'on appelle potentiel électrique. Donc, je veux dire, là aussi, c'est-à-dire que c'est l'idée petit à petit de pouvoir... non seulement mathématiser, mais numériser, faire entrer dans des cases bien précises une électricité qui, jusqu'à présent, on l'a compris, était décrite par des phénomènes un peu mystérieux, mais jusqu'à présent, on avait du mal à la mesurer. Juste un exemple, la vitesse de l'électricité, on fait des emboîtements, etc., on se rend compte que cette vitesse est immense, qu'elle peut parcourir une lieue d'une façon immédiate, et on en reste là. Donc, c'est pas pour jeter un discrédit sur ces savants du XVIIIe siècle, mais là, on est dans une science complexe qui doit définir des bases, et elles se font petit à petit. Il y a quand même un très très gros travail, et vous remarquerez qu'il y a quand même de très nombreux noms que nous citons. Alors, vous n'avez pas un génie qui aurait tout découvert. Là, on a une œuvre universelle et avec des savants qui s'écrivent, qui se connaissent. Il y a une espèce de collectivité électrique qui est extrêmement importante. Et les expériences sont finalement connues assez rapidement. Oui, et c'est ce qui est passionnant dans cette longue histoire de la découverte et de la maîtrise de l'électricité. Au XVIIIe siècle, Bertrand Wolff, Alain Beltran évoquait ce nom rapidement tout à l'heure, c'est Charles-Augustin Coulomb. Alors, quel est son apport à lui avec sa loi qui va énoncer en 1785 ? Oui, alors pour des raisons qu'on n'a peut-être pas le temps de développer, il y avait dans l'air l'idée, il y avait des choses, y compris justement certaines expériences de Cavendish, mais ou d'autres aussi, qui laissaient suggérer que la loi mathématique d'électricité pourrait être sur le modèle de la loi de Newton de la gravitation, c'est-à-dire une loi de décroissance de force en fonction du carré de la distance, pour dire les choses plus concrètement, vous doublez la distance, la force est divisée par 4. Et effectivement, il a l'idée d'un dispositif extraordinairement ingénieux, coulant et extrêmement difficile à manier d'ailleurs, qui lui permet d'établir, mais ce qu'il présupposait déjà, à savoir qu'effectivement les répulsions entre deux petits objets, deux petites boules électriquement chargées de la même, éventuellement tous les deux de charge positive ou tous les deux de charge négative, que cette répulsion suit effectivement une loi en inverse carré. Et il établit d'ailleurs la même chose pour les répulsions entre pôles magnétiques de même nom, sud qui repousse sud ou nord qui repousse nord. Ce qui fait qu'on arrive à, pour les physiciens, l'électricité passe du statut de ce qu'on appelait à l'époque la philosophie naturelle à un statut de science mathématique. Hein, ce qui va effectivement être développé au début du 19e siècle par la théorie, les théories mathématiques du potentiel. Mais donc, ça devient une science mathématique et avec quelque chose qui va être très important peut-être pour la suite quand on parlera Oersted et Ampère, c'est qu'il y a une analogie de forme mathématique entre gravitation, électricité, magnétisme, mais en même temps, les physiciens mathématiciens français, notamment, sont radicalement convaincus de l'indépendance absolue de ces phénomènes. C'est pas le magnétisme qui explique l'attraction de la Lune par la Terre. Et ben, de la même manière, les actions électriques et magnétiques, pas mal d'autres expériences semblent établir, sont des choses indépendantes. D'où la difficulté de ce qu'on retrouvera, de ce qu'on verra quand il s'agira du travail d'Ampère. Bien sûr. En cette fin de 18e siècle, Alain Beltrand, une des grandes limites finalement, est-ce que c'est pas le fait qu'on considère encore l'électricité comme étant purement statique? Est-ce que c'est ça qui explique pourquoi on n'a pas encore envisagé même des applications concrètes à l'électricité? Oui, on est quand même dans l'époque de l'électrostatique. Ceci dit, avec des progrès qui sont quand même non négligeables. Mais il y a quand même déjà une utilisation pratique, c'est le paratonnerre. Hein. Oui. C'est une première utilisation, bon, qui est défensive, mais qui est quand même une première utilisation. Mais on est très très loin de notions de moteur ou de choses de ce genre. L'électricité, on en est quand même toujours à constater toute une série de conséquences, de phénomènes. Et c'est vrai qu'il manque la liaison mathématique, la liaison physique entre tous ces phénomènes. Et puis l'idée aussi que cette électricité pourrait être dominée et être utile à l'homme. Alors ça, il faut un petit peu attendre. C'est pas toujours évident de... Surtout cette électricité, on est quand même très très loin de... Bon, à la même époque se développe la machine à vapeur, Watt, etc. On est quand même dans des choses que l'on peut voir, que l'on peut des machines qui pompent de l'eau, qui font petit à petit bouger des trains. Là, il y a quand même des choses extrêmement concrètes que chacun peut comprendre. L'électricité, il y a toujours un petit effort d'imagination à faire. Et l'explication, la vulgarisation n'est vraiment pas simple. Et donc, tous ces savants du XVIIIe siècle, faut leur rendre hommage. Oui, bien sûr. Mais il y avait quand même une espèce de base, de capital, de base à posséder avant de passer à une électricité pratique. Mais ça, c'est pour le siècle suivant. Bertrand Wolff, vous souhaitiez réagir? Oui, je voulais quand même dire qu'il y a une autre application pratique de l'électrostatique que le fameux paratonnerre. Hein. Il y a l'électricité médicale. C'est-à-dire que puisque les secousses de la bouteille de LED peuvent paralyser ou créer des convulsions terribles, pourquoi ça guérirait pas la paralytique? Et la plus grande partie des publications sur l'électricité entre 1780 et 1800, c'est l'électricité médicale. Alors il se trouve qu'on sait maintenant que c'était tout à fait que c'était beaucoup plus une croyance et qu'on n'a jamais guéri de cette façon-là, mais ça a une importance pour la suite parce que c'est ce qui amène quand même beaucoup de physiologistes, et on verra tout à l'heure Galvani, hein, à se demander s'il n'y a pas une analogie Bertrand Wolff et Alain Beltran, qu'on a perdu, évoquait à l'instant un des grands noms restés légendaires dans l'histoire de l'électricité. C'est Luigi Galvani qui a été opposé à Alessandro Volta dans une des controverses demeurées célèbres dans l'histoire de l'électricité. Alors qu'est-ce qui a opposé les deux savants? Alors je peux commencer à répondre, mais chacun pourrait en dire autant. Donc Galvani s'est intéressé à ce qu'il appelait de l'électricité animale, en particulier en faisant des expériences sur des batraciens, sur des grenouilles, et même sur la partie inférieure des membres des grenouilles. Donc il a réussi à faire des excitations, il a montré, et donc il a estimé qu'il y avait un potentiel électrique dans un animal et dans les êtres vivants. Alors parfois avec des théories un peu justes, hein, sur le cerveau qui en quelque sorte aurait été la source de tout cela. Mais c'est vrai que là aussi, pour reprendre ce que disait notre collègue Wolff, par rapport à toutes nos connaissances d'aujourd'hui, en effet, bien entendu, le corps humain est aussi une petite machine électrique relativement perfectionnée. Mais Volta, qui est donc on est entre deux savants italiens, Volta a estimé qu'il n'y avait pas d'électricité animale. Et pour le prouver, il va prendre des matières inertes, du zinc et de l'argent. Il en fait un empilement. Et simplement, entre le zinc et l'argent, il y a un petit linge acidulé. Et donc, il va obtenir de l'électricité. Alors, semble-t-il, pas plus qu'un volt. C'est très très faible. Un volt. Il dit, voyez, moi j'ai pris des matières inertes et j'arrive à faire de l'électricité. Donc, franchement, Galvani s'est trompé. Simplement, là aussi, je veux dire, c'est la façon d'avancer aussi la science par de temps en temps des, peut-être pas des erreurs, mais des interprétations incomplètes. Oui. C'est tout simplement parce que c'est l'acide qui attaquait le zinc et qui produisait un petit peu d'électricité. Donc on avait des phénomènes relativement classiques, bien connus aujourd'hui. En attendant, Volta a mis au point la première pile électrique, voilà, quand même. Et quel tournant majeur s'opère à partir de là, Bertrand Wolff, que nous avons retrouvé miraculeusement grâce à l'électricité? Oui. Oui, je reviens quand même très rapidement un petit peu sur cette histoire de controverse Galvani-Volta, parce que il y a une telle tradition de la sous-estimation de Galvani, qui est quand même quelqu'un, oui, qui a mené 10 années d'expérimentation tenace, scrupuleuse, et en fait, dans cette controverse, il y a un moment, il y a certaines expériences qu'il fait qui mettent réellement en évidence de l'électricité animale, où n'intervient strictement aucun métal. Et malheureusement, on peut dire la victoire de Volta, qui a été la victoire d'un instrument, a fait que pendant 30 ans, on s'est plus du tout intéressé à l'électricité animale, jusqu'à Dubois-Raymond et les gens qui se sont mis à étudier effectivement la transmission nerveuse. D'autre part, la victoire de Galvani, de Volta, je veux surtout pas sous-estimer l'importance extraordinaire qu'a eu la découverte, l'invention de la pile, mais en même temps, il en a une théorie fausse, c'est-à-dire ce que vient d'expliquer Monsieur Beltran sur le rôle de l'acide et de la réaction qui se passe. Bon, Volta, malgré les remarques des chimistes, va rester complètement accroché à l'idée que c'est un métal qui pousse le fluide électrique dans l'autre, et pour lui le feutre humide ou l'autre substance humide n'a là-dedans qu'un rôle de conduction ou de séparation des étages de sa pile, si vous voulez. En attendant, donc un tournant majeur s'opère quand même, Bertrand Wolff, à partir de ce moment-là. Il y a un tournant majeur, puisqu'on produit de l'électricité, et absolument, l'électricité de statique devient dynamique. Je vous propose de rester avec nous, puisqu'on va poursuivre dans un instant cette histoire sous tension de l'électricité. On va voir qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Okay. France Culture, Eureka, Antoine Beauchamp. Toi, tu me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. Pour ne pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs tu m'allumes, le matin tu m'éteins. Mais même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité. Hier encore j'étais comme vous et moi, un citoyen parfaitement normal. Et puis voilà qu'un soir j'entends des voix. C'est toujours comme ça qu'on tourne mal, tu disais. Allô chérie. Allons, n'insistez pas. Allons, chérie. Mais faut pas me le dire deux fois, car voilà, toi, tu me fais de l'électricité. Tu fais monter ma tension. Pour pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs, tu m'allumes. Le matin, tu m'éteins. Mais même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité. Évidemment, des tas d'inconvénients rapport à la consommation. Et comme tu marches sur tous les courants, des fois tu fais sauter mes plombs. Mais tu dis allons, chérie. Allons, n'insiste pas. Allons, chérie. Mes batteries sont à plat. Mais voilà, toi tu me fais de l'électricité. Tu fais monter ma tension. Pour pas tomber dans la lubricité, faudra que tu fasses attention. Tous les soirs tu m'allumes. Le matin tu m'éteins. Mais même si tu vas tout faire sauter, fais-moi de l'électricité. Toi tu me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. Pour pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs tu m'allumes, le matin tu m'éteins. Mais même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité, fais-moi de l'électricité, fais-moi de l'électricité, fais-moi de l'électricité. Voilà une métaphore qu'elle est joliment filée. Fais-moi de l'électricité par Joe Dassin, qui était l'amour de jeunesse de notre réalisatrice Milena Hennig à 16h36 dans Eureka sur France Culture, puisque nous parlons tout au long de cette heure de l'histoire de l'électricité en compagnie d'Alain Beltran, directeur de recherche CNRS, président du comité d'histoire de l'électricité et de l'énergie, en compagnie également de Bertrand Wolf, ancien enseignant de physique chimie, co-auteur du site internet ampere.cnrs.fr et spécialiste de l'histoire de l'électricité. Alors, jusqu'au début du 19e siècle, on connaissait l'électricité, le magnétisme et la lumière, mais entre ces trois phénomènes, on n'établissait pas encore du tout de lien. L'épopée de l'électricité continue donc avec toute une équipe de personnages, on en a déjà évoqué de nombreux, qui vont contribuer chacun à leur façon à la maîtrise, puis à la production et enfin au transport de l'électricité. Mais avant d'en arriver là, il faudrait raconter comment on en est venu à associer électricité et magnétisme, parce que ça va être déterminant. Alain Beltran, la secondaire de la science électrique commence avec une expérience, celle d'un certain Hans Christian Oersted en 1819. Alors, en quoi a consisté cette expérience ? Là, déjà, on reprend un petit peu cette rapidité. Dès qu'il y a une expérience qui est intéressante, elle est connue dans toute l'Europe savante, même jusqu'en Amérique, et les choses peuvent aller très vite. C'est un peu ce qui se passe. Oersted avait constaté que quand on faisait passer près d'une boussole un fil électrique, eh bien la partie aimantée de la boussole était déviée. Donc c'était assez curieux. Et donc il a noté cela sans aller plus loin que cela. Et ensuite, la science française, je ne dis pas ça pour faire cocorico, mais la science française, qui est quand même extrêmement puissante dans cette première moitié du 19e siècle, eh bien, il y a eu toute une série de savants, dont les plus connus sont Arago et Ampère. Là aussi, en général, on cite Ampère et on oublie un petit peu Arago. Ouais. François Arago, qui a longtemps été celui qui a obtenu le plus grand nombre de points à l'entrée à Polytechnique. Donc, assez rapidement, on va le devoir sans doute à Ampère, ils vont faire le lien entre l'électricité et le magnétisme, d'où d'un certain nombre de lois, le petit bonhomme d'Ampère, etc., et ce qu'on appelle l'électromagnétisme. C'est non seulement une connaissance extrêmement importante, mais c'est vrai que là aussi, bon, c'est pas très très historique, mais par rapport au devenir de l'électricité, c'est-à-dire de toutes les utilisations pratiques, c'est évidemment un pas décisif. Et l'autre chose, avant de parler bien sûr de Faraday, mais c'est peut-être mon collègue qui en parlera, c'est aussi la rapidité finalement. Ampère est aussi un véritable génie. Quelqu'un a dit que c'était le Newton de l'électricité. C'est Faraday justement, je crois, ou Maxwell, voilà. C'est plus l'un des deux. Ouais. ce qui prouve aussi que bon, les Français, les Anglais vont se faire la guerre assez souvent. Il y a quand même une estime réciproque. Là, on est dans un milieu qui communique, qui s'estime, qui se lance des défis. Et ce côté, cette cellule qui avance, où la nationalité finalement importe peu, est quelque chose de très intéressant. Sachant aussi que Faraday est un autodidacte, un autodidacte de génie. Bertrand Wolff, on y vient à Faraday. On évoquait rapidement. Malheureusement, on n'a qu'une heure pour parler de cette histoire de l'électricité. Il en faudrait bien plus. Mais André Marie Ampère, donc, est le père du courant électrique. Qui est Faraday et comment, à quoi est-ce qu'il va s'intéresser à partir des années 1820-1830 et qu'est-ce qu'il va parvenir à démontrer? Est-ce que je peux quand même me permettre de revenir un tout petit peu sur Ampère, parce que un tout petit peu. le génie d'Ampère, c'est d'avoir été contre, tous à l'exception peut-être justement d'Arago, mais contre toute la physique mathématique des électriciens français, hein, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, la découverte d'Ørsted, elle était irrecevable. Il devait pas y avoir d'action d'électricité sur le magnétisme. Quand on faisait agir des pôles d'une pile sur des pôles d'aimant, il se passait strictement rien. Et il fallait vraiment une philosophie tout à fait différente, pas du tout de philosophe, pas du tout mathématicien pour Ørsted, hein, une sorte de vision romantique de la nature et de l'unité des forces, pour s'entêter à chercher un lien. Hein. Et puis en plus, ce qu'il trouve est complètement anormal, c'est-à-dire que jusque-là, les actions, les forces s'exerçaient selon la ligne qui joint ce que je pourrais appeler l'auteur et le récepteur de la force. Or là, qu'est-ce qui se passe? Bien loin d'être attiré par le fil qu'il a tendu au-dessus, la boussole se met en croix avec le fil, ou se mettrait en croix avec le fil, c'est-à-dire qu'il y a une action qui en quelque sorte encercle autour du fil, si vous voulez. Donc, pour arriver à admettre que ce truc aussi étonnant et anormal, il faut Ampère. Et les contemporains d'Ampère, Biot, Savart, Laplace, etc., essayent à toute force de réduire cette action, hein, à une action magnétique. Hein, le pourtour du fil qui joint les deux extrémités d'une pile serait couvert de petits aimants, et c'est ça qui agirait. Hein, alors que l'idée, au contraire, qui a des propriétés complètement nouvelles dues au fait qu'il y a de l'électricité en mouvement, d'où le terme non pas d'électromagnétisme, d'électrodynamique, ouais, que crée Ampère, hein, eh bien il y a effectivement l'idée que l'électricité en mouvement a des propriétés tout à fait nouvelles, hein, et qu'en fait tout se résume non pas à du magnétisme sur du magnétisme, mais au contraire à de l'électricité sur l'électricité. Il réduit le magnétisme à l'électricité, hein, c'est l'aimant lui-même, hein, et bien ce sont, alors il hésite entre le caractère macroscopique ou microscopique de ça, ce sont des petits courants circulaires intérieurs à l'aimant, hein. Il est amené à le montrer en montrant qu'une bobine de fil, ce qu'il appelle un solénoïde, parcouru par un courant, se comporte comme un aimant, hein, à des faces nord et des faces sud, comme un aimant, un pôle nord et un pôle sud. Hein. Donc vraiment, hein, on n'insiste peut-être pas assez sur le caractère complètement révolutionnaire de cette idée que tout se résume à des forces d'attraction ou de répulsion entre des courants électriques. Voilà. Et cette révolution amène une autre révolution, c'est la révolution de l'induction provoquée par Faraday. Alain Beltrand, que signifie ce terme d'induction et pourquoi là vraiment ça ouvre un champ énorme en matière d'électricité? C'est-à-dire que si vous mettez un courant dans une bobine et que vous faites des allers-retours dans une pièce métallique dans cette bobine, vous obtenez ce qu'on appelle des courants induits. Et à partir de là, vous avez la définition. Vous avez l'essentiel du fonctionnement de ce qu'on pourrait appeler un moteur électrique. Donc là, c'est aussi une étape franchie d'une façon extrêmement importante. L'induction, c'est vraiment la base de toute la construction de tout moteur électrique que vous retrouverez dans les stators et les rotors. Mais donc c'est vrai que entre Ampère et Faraday, là, il y a un pas de géant, une accélération qui est tout à fait importante. Mais, bon, comme moi je m'intéresse plutôt fondamentalement aux usages, c'est vrai qu'il y a tous les éléments pour faire un moteur électrique, tous les éléments de connaissance, tous les éléments théoriques, mais ça ne donnera pas forcément un moteur électrique tout de suite. Mmh. Donc il y en aura des dynamos, il y aura d'autres systèmes, mais là aussi ce qui est intéressant, c'est pas parce que l'on possède toute la connaissance théorique qu'on débouche forcément sur des éléments pratiques tout de suite. Et là, l'électricité, c'est un exemple qui est assez intéressant de ce point de vue-là. Oui, parce que par ailleurs, les physiciens peinent encore à établir une théorie unifiée de ce qu'est l'électricité, Bertrand Wolff. Et ça, c'est vraiment chose faite en 1860 avec Maxwell. Alors, qu'est-ce qui va mettre en évidence autour de l'électromagnétisme ? Oui, alors... Bon, je suis pas très au point sur Maxwell, je vous dire, parce que bon, autant ça va être important hein, de comprendre l'idée de que, enfin comment, y compris de la propagation hein, de champs électromagnétiques, mais la notion de champ est pas encore là, hein, elle apparaît avec Faraday, et ça ouvrira aussi l'époque de l'émission et de la réception d'ondes électromagnétiques, mais je voulais peut-être quand même d'abord revenir sur ce que vient de dire Alain Beltrand, parce que il faut vraiment insister sur cette idée-là que en 1830, tout était prêt pour les applications pratiques, donc je laisse de côté la radio et les ondes électromagnétiques. On peut parler du télégraphe, par exemple. Avec Ampère, action d'un aimant sur un courant, on a l'idée du moteur. Avec Faraday, l'induction, on a l'idée de l'alternateur et du transformateur. Mais effectivement, cette idée que tout est présent est tout à fait illusoire, parce que ça fait fi de l'histoire des techniques, de l'histoire sociale et économique, de la concurrence du gaz, de la machine à vapeur. Enfin, il est très frappant de voir que un des moteurs prototypiques, celui créé par Jacobi, par exemple, pour faire naviguer à 4 km par heure un bateau sur la Neva, ben Jacobi sera le premier à dire « le moteur électrique jamais ne rivalisera avec la vapeur hein ». Donc voilà, je crois que de ce point de vue-là, la distinction qu'il y a à faire entre le travail de ceux qui apportent les principes fondamentaux et puis l'importance du travail des techniciens, des ingénieurs et puis aussi tout le côté social et économique des choses, c'est essentiel. Et là-dessus, évidemment, Monsieur Beltrand saura beaucoup mieux en parler que moi. Alain Beltrand. Ben, oui, c'est-à-dire que ben, je crois que mon collègue a bien dit, il existe des solutions qui sont des solutions qui finalement sont avérées. Vous avez d'un côté les moteurs à vapeur qu'on connaît bien, vous avez des moteurs à gaz, etc. Et c'est vrai que l'électricité, il faut qu'elle sorte du laboratoire pour qu'elle entre chez les techniciens. Il faut qu'elle soit... qu'on puisse la fabriquer d'une façon efficace, mais il faut tout bêtement aussi qu'elle soit économique. C'est-à-dire que si vous avez une électricité qui est 2 fois, 3 fois ou 10 fois plus chère qu'une machine à vapeur ou qu'une machine au gaz, c'est le gaz à l'époque, c'est du gaz d'une distillation à partir du charbon. Donc, vous voyez, il y a aussi un problème économique. Il y a un problème. La société peut certes admirer l'électricité, mais qu'est-ce qu'on lui propose ? Donc, jusqu'à présent, on lui a proposé, par exemple, en effet, le télégraphe électrique. Qui est, je vous interromps de petites secondes, quand même le premier domaine où il y a véritablement une industrie électrique qui se crée autour de cette invention. Oui, c'est une invention essentielle. On a dit qu'elle a réduit le monde. Alors là, il y a quelqu'un, il faut systématiquement... y faire allusion, c'est Jules Verne, le télégraphe électrique, que ce soit dans Michel Strogoff, par exemple, où il y a une espèce toujours de course entre les deux journalistes pour savoir le premier qui atteindra un endroit où on puisse émettre des informations. Là, il y a véritablement une innovation qui est importante, même s'il faut bien se dire que pendant très longtemps, le télégraphe était limité à des usages pour la diplomatie, pour la finance, et que c'est pas Monsieur Tout-le-Monde qui envoyait un télégramme. Mais là, voilà une première utilisation pratique. Il y avait aussi la galvanoplastie pour fabriquer des objets qu'on appelait enrueols, etc. Donc, il y a des applications. Mais du côté des moteurs, pour le moment, il n'y a rien. Et donc, j'approuve entièrement ce que disait Monsieur Wolf. Ce décalage est extrêmement intéressant. C'est pas parce qu'il y a une innovation ou une invention, c'est pas parce que toute la connaissance est sur la table ou sur la paillasse, que l'on débouche forcément sur quelque chose. Il n'y a pas une industrialisation immédiate, finalement, du phénomène électrique. Ça arrive bien plus tard, à la fin du 19e siècle, notamment, peut-être avec un des exemples, c'est quand même l'éclairage électrique. On parle d'abord d'éclairage à arc, puis par incandescence. Bertrand Wolff, comment ça fonctionne, cet éclairage électrique, et comment ça s'installe? Oui, alors, justement, c'est un très bon exemple, là, de la nécessité d'un progrès technique, expérimental, en dehors des seules questions, fondamentales. L'idée d'un éclairage à incandescence, elle existe assez tôt. Hein. Mais le problème, c'est que réussir à voir un fil incandescent qui s'enflamme pas, ça suppose de réussir une ampoule étanche dans laquelle on va faire du vide. Ce qui fait que pendant longtemps, les tentatives d'éclairage, c'est avec l'arc électrique, hein, avec en particulier Foucault qui illumine la place de la Concorde en 1844. Mais l'arc électrique, d'abord, c'est très difficile à faire fonctionner de façon qui continue. Et puis d'un autre côté, ça donne une lumière, c'est en tout ou rien, c'est une lumière énorme qui ne permettrait pas, par exemple, l'éclairage domestique. Donc se pose la question de la division de la lumière. Hein. Et puis pour revenir encore une fois sur l'exemple que prenait Alain Beltrand à propos du télégraphe, là on voit très bien comment un progrès technique et industriel est essentiel, parce que le télégraphe sous-marin, l'eau de mer, elle est conductrice. Or, pour arriver donc à faire fonctionner un télégraphe sous-marin, il faut un isolant. Mmh. Et le gutta-percha va être utilisé autour de 1850. Hein. Donc, il suffit bien d'avoir le principe. Là encore, il faut développer toute une industrie autour, finalement. Et pour accompagner quand même cette révolution électrique qui en est une, il faut pouvoir produire aussi de l'électricité à grande échelle et la transporter jusque dans les foyers. Alain Beltrand, comment fonctionnent ces toutes premières centrales électriques qui vont être au cœur d'une guerre devenue légendaire, là à nouveau, entre Edison et Tesla? Mais est-ce qu'on peut peut-être rappeler un petit peu comment fonctionnaient les premières centrales électriques, et puis après, que vous nous expliquiez un petit peu cette bataille entre Tesla et Edison? Je vais tâcher d'être bref. Alors, plus on est bref, plus on est concis. Parfois, on est un petit peu caricatural. Bon, disons qu'il y a deux moyens d'obtenir de l'électricité, soit par la vapeur de l'électricité thermique, soit par gravité, soit avec des chutes d'eau, de l'électricité hydraulique ou hydroélectrique. Si ça s'appelait centrale, c'est tout simplement qu'elles étaient au centre de petits réseaux ou de réseaux moyens. Et ces réseaux apparaissent, on va dire, à partir des années 1880. Edison, d'ailleurs, il ne vend pas qu'une ampoule à incandescence. Il vend tout le système électrique. C'est une industrie à lui seul, Thomas Edison. Et il s'est débrouillé de façon à ce que cette électricité soit compétitive par rapport au gaz. Donc là aussi, il faut un certain temps. Pour revenir à votre question, donc il y a différents moyens de production. L'idée, c'est aussi d'essayer d'envoyer cette électricité de plus en plus loin. Et donc Edison est fondamentalement un partisan du courant continu. Et qu'il pense que c'est vraiment la solution d'avenir. En face, il y a un industriel qui s'appelle Westinghouse, en s'aidant aussi de Tesla. Alors Tesla, c'est pareil, c'est un savant, c'est un technicien, mais c'est une légende, c'est un mythe. Alors peut-être pas en France, mais aux États-Unis, Tesla, c'est vraiment l'homme capable de tout faire. C'est un héros de bande dessinée. Bien sûr. Et donc, Westinghouse, Tesla pensent que c'est l'alternative, c'est-à-dire un courant qui change un certain nombre de fois par seconde de sens, qui aura de l'avenir. Alors, le gros avantage, pour être très très court et ne pas faire ce qu'on appelle à la radio un tunnel, c'est que on peut, avec le courant alternatif, modifier la tension, l'élever pour envoyer de l'électricité très loin, même s'il y a des pertes, et puis ensuite la descendre. On va élever à 10 000, à 100 000, à 400 000 volts aujourd'hui, 700 000 volts dans certains cas, et puis ensuite on va distribuer à 220 volts, 240 ou 110 dans certains cas. Donc Là, il y a eu une guerre des courants, qu'on appelle des courants, entre, on va dire, Edison et Westinghouse. Ce qui est intéressant, c'est que Edison, qui est un homme d'affaires, c'est un homme qui a des qualités, mais c'est avant tout un businessman, a utilisé tous les arguments possibles pour décrédibiliser l'alternatif. Mmh. Et en particulier... Il est passé par certains coups bas, hein, je crois. Voilà, il a électrocuté un éléphant avec du courant alternatif. Il s'est servi de l'exemple de la première chaise électrique qui était à courant électrique. Il a dit que ce pauvre homme avait été Westinghouse. Donc, il a utilisé ses arguments, mais finalement, il a quand même perdu. Et c'est Westinghouse, Tesla et autres qui avaient raison. Parce qu'en plus, les moteurs mis au point par Tesla, ils sont des moteurs extrêmement efficaces. Voilà, j'étais peut-être un peu long. Mais écoutez, c'est pas très grave. On arrive vraiment bientôt au terme de cette émission. Bertrand Wolf, en une minute, que doit-on à Nikola Tesla dans nos vies? Et à partir de là, est-ce que c'est vraiment le début de l'ère électrique telle qu'on la connaît aujourd'hui? Oui, alors sans vouloir trop mythifier Tesla, c'est vrai qu'il est un des inventeurs, et puis celui qui a su prendre des brevets à ce sujet-là, un des inventeurs du champ tournant. C'est-à-dire qu'à l'aide de bobines alimentées en alternatif, il arrive à produire un champ magnétique tournant, et c'est ça qui va entraîner le rotor du moteur, et d'une façon bien meilleure que ce qu'on savait faire avec du monophasé, avec un... Voilà. Ou, c'est l'inventeur du... avec du continu. Là, on parle de triphasé. C'est-à-dire que le moteur peut tourner à n'importe quelle allure, si vous voulez, selon la charge qu'il a. Et donc, grâce à cette invention, on a un système complet, alternateur d'un côté, transformateur, moteur de l'autre. Et c'est ce qui a fait, qui a été absolument extraordinaire lors de l'exposition de Francfort en 1891, où on a effectivement fait une ligne de transport 25 000 volts, parce que comme le disait très bien Alain Beltrand, grâce au transfo, on peut élever la tension, du coup, on minimise ce qu'on appelle les pertes en ligne, et on arrive donc à transporter à des distances importantes la force électrique, comme on disait à l'époque. Et c'est l'avènement de la fée électricité à cette fin du 19e siècle, avec des transformations majeures dans les usines qui commencent à s'électrifier et à se sécuriser, les transports, et ça ouvre la porte au 20e siècle à une autre révolution, la révolution électronique, dont on ne pourra pas parler puisque l'émission touche à son terme. Merci beaucoup à tous les deux, Alain Beltrand et Bertrand Wolf, d'être venus nous raconter cette épopée électrique. Et pour conclure cette émission, pourquoi ne pas éteindre la lumière et danser un peu? On écoute Electricity par Orchestral Maneuvers in the Dark. Un grand merci à toute l'équipe de Reka, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Tom Wundenstock, Antonin Amberger, à la réalisation Milena Elig, à la technique aujourd'hui Olivier Arnay. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Demain, dans Eureka, nous terminerons la semaine avec une piqûre de rappel et nous vous raconterons l'histoire de l'invention des vaccins. Mais d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir. L'esprit d'ouverture.